un mal. Chapitre 34. L'été s'acheva dans des jours humides et doux. Un soir, Germaine gagna le banc de pierre, adossé au mur extérieur de la ferme, du côté de la campagne. Les chèvrefeuilles avaient glissé jusqu'à terre, noyant le banc sous l'enlacement des branches. Et confondue au feuillage, Germaine eut une douceur à les sentir, frais et lourd sur sa peau. Des nuées grises s'amassaient au ciel, dérobant par moments la lune. Une obscurité s'élargissait alors sur la campagne, comme un fleuve profond, et le vent soufflant dans les orgues du bois faisait une rumeur puissante qui s'étendait. Une angoisse mortelle avait pour jamais banni sa quiétude. Elle regardait la nuit, noire comme son chagrin, le ciel voilé comme son âme, et ce déclin de l'été semblable à l'amertume des jours qui commençaient pour elle. Des souvenirs l'assaillirent. C'était sur ce même banc qu'elle avait éprouvé les alanguissements de l'amour. Un soir que les chèvrefeuilles en fleurs versaient la mollesse dans ses veines et que le vent de la nuit, comme une main lascive, chatouillait sa chair faiblissante. Depuis, les fleurs s'étaient desséchées au soleil. Le banc s'était petit à petit englouti sous la marée montante des feuilles. Sa chair avait reçu l'avertissement du désir satisfait. Et de la cour lui arrivait, par la large porte ouverte, la pestilence musquée des fumiers, comme en cet autre jour, sous le midi brûlant qui avait démoli ses pudeurs. Que de choses depuis ce temps! L'ardeur des tendresses, la froideur préparant le chemin à l'indifférence, les rendez-vous plus rares. Et enfin, cette nuit horrible, ces coups de feu, qu'Achapret blessait sous ses fenêtres et trouvait mort, 10 jours plus tard, dans un fourré. Ses pensées maintenant s'apesantissaient sur elle du poids funèbre des remords. Elle eut des larmes sombres et tendit ses bras comme aspirant à se répandre à son tour dans l'infini de la mort et de l'oubli. En ce moment, l'être que le mal avait mis dans ses entrailles tressaillit. Et prise d'une désespérance, elle songea à ce soir où les lamentations de la vache en gésine avaient rempli les tables et les cours, s'élargissant par-dessus la sérénité des campagnes, à travers les houles de l'ombre.